première émission de l'année 2019 pour nous, en direct, en vrai. Parce qu'on était là la semaine passée, un peu en différé. Michel Marco au microphone, Jean-Philippe Boisbriand fait tout le reste. Aujourd'hui, une émission qui passe du doo-wop. Ensuite, on s'en va vers le western dépressif. Qui joue du western dépressif dans la vie? Rod Keith, Dwayne D, Ray Sanders, ils peuvent faire du dépressif parfois. Puis ensuite, on termine avec du rap, funk, toutes sortes de trucs mélangés. Donc, c'est éclectique. Voilà, une émission éclectique et on y va tout de suite. just got to know what time is it. Three more hours to go till I hold her in my arms and tell her that I want her for my own. What time is it? Somebody's in love with somebody, somebody's in love with. with somebody, somebody's in love with somebody. I know somebody's in love with somebody, somebody's in love with somebody, somebody's in love with somebody. I know John's in love, John, John's in love, Jim's in love. You knew I loved you and we share love so fine. mind, we share a love so fine. But later that night, bad luck on my door. My clothes out on the street, don't want my love no more. And I cry, I cry, I cry, my heart out, cry, my heart out. Later that night, don't go, baby. Don't put me out in the street. You threw my best shark skin suit out the lawn, right on top of some dog waste. I hold in my hand three letters from the stages of your fine, fine, super fine career. And my best white shirts with a Mr. B collar laying all over the front lawn. Where's my cufflinks? Let me back in there. There. Bisou, bisou, bisou. Bisou, bisou, bisou. Bisou, bisou, bisou. Bisou, bisou. Yeah. little smile can make my heart recall. Half an angel is better than no old angel. Combien d'entre vous auront reconnu sur cette dernière pièce du bloc Lewis Reed, Lou Reed lui-même, Lewis Rabinowitz au départ, et en 62 il chantait comme ça, des chansons comme Your Love, c'est tiré d'une compilation All Tomorrow's Dance Parties, parue en 2000, et c'était 45 tours à l'époque. Richie March, en fait Little Richie March and the Odd Wings, nous faisait Alf Angel sur un album qui s'appelle The Seeds, Bad Parts of Town and the Live Album Bedtime. Little Richie March, qui est ensuite devenu Sky Saxon et qui est décédé il y a un petit bout de temps, en 2009, oui, voilà. Avant ça, qu'est-ce qu'on avait de Monotones? Ils nous faisaient la pièce Zombie sur une compilation qui s'appelle Who Wrote the Book of Love? Une compilation qui regroupe des trucs de 1957 à 1962 et paru en 1992. The Monotones, ils chantaient. Ils faisaient un groupe doo-wop vocal. En fait, ils sont considérés comme un one-hit wonder group. Parce qu'ils ont fait The Book of Love à un moment donné, puis ça a fonctionné. Mais ils ont été actifs pendant pas si longtemps finalement. C'est ça, 20 minutes, me dit Jean-Philippe. C'est ça, pour The Monotones. Frank Zappa and the Mothers of Invention nous faisait Later That Night sur Cruising with Robin and the Jets de 68. Évidemment, on parle plus beaucoup de Zappa maintenant parce qu'on en vous en a tellement parlé déjà. Ce cher Frank qui est décédé en 1993, ce qui était assez jeune quand même, puis il a fait beaucoup, beaucoup de choses. En fait, il a sorti plus d'albums pratiquement depuis qu'il est mort que de son vivant. C'est ça, Jean-Philippe m'a dit quelque chose avant. Ouais, on est plus vieux que lui qu'à la date de sa mort maintenant. Donald Woods and the Velaires nous faisait Man from Utopia sur une compilation Exotic Blues and Rhythm Volume 3 and 4, Kangunwa and Chop Chop. Pas d'informations sur Donald Woods and the Velaires. parce qu'ils n'ont peut-être pas été là longtemps, eux non plus, peut-être. Évidemment, c'est une pièce qui a été reprise par Frank Zappa lui-même. Finalement, Mothers of Invention, c'est un groupe de doo-wop. Somebody's in Love, c'était Cosmic Rays avec le Sonora Orchestra sur une compilation singles de Definitive 45 Collection de 52-91, parce que Sonora, en plus de faire ses propres trucs, a fait paraître un paquet de trucs sur lesquels il jouait, des fois il composait, d'autres fois il faisait peut-être juste produire, mais souvent il se mêlait à la production. The Impalas nous faisait Fool, Fool, Fool sur Sorry I Ran All the Way Home de 1959. The Impalas, il sortait de où? Il était de... Il vient de New York, de Brooklyn. Avant ça, on avait de Rivieras qui nous faisait Refrigerator sur Moonlight Cocktails. Et on avait commencé la nouvelle année avec The Qualities, un autre 45 tours de Sonora, ce qui nous chantait Happy New Year to You. Et qu'est-ce qu'on va avoir après? On s'en va vers le western, un peu dépressif par moment. It was a dark and a rainy night. The headlights weren't really too bright. I was thinking of my kids and of my darling wife. My sales were down, my pay was small, and I needed money bad. I couldn't pay the mortgage to even keep the things we had. Then through the night there came a light. A hobo wanted a ride. I brought my old car to a stop and he got in by my side. Continued on, just we two. His presence seemed to calm my nerves, but the road was wet and my vision blurred, and I didn't see the curve. When I awoke, I saw the flames and the people through the trees. I knew from their conversation they thought the hobo was me. I'm sorry for the sorrow I caused, but there's a lot more sorrow for me. And I know my wife and kids can live on my double indemnity. I just watched the hearse pull out and the family drive away. It's awfully hard for me to go, but you know, I died today. When the night is dark and the wind is wild and the moon is very dim, you will see a fiery trail on high as the devil rides the wind. On a stallion black as gold, he will steal away your soul if your soul is black with sin. When the devil rides the wind, riding the wind, riding the wind, on a stallion black as gold. trail of fiery burning souls. On a cloudy, dark and windy night, you will hear his mournful cry. It's not the restless wind you hear, but the devil in the skies. When you hear his wicked laughter, then you know, yes you know, that he found what he was after, and there rides another soul. Riding the wind, riding the wind on a stallion. Here under my bed, I can see the sunrise best. The moon's falling out of the sky, and I was hit by a heartache when it went flying by. But don't be alarmed, and don't think my mind's not sound. Now she's gone, she's gone. My whole world is upside down. In the paper, I just listened to the news. She'll be married tomorrow, and I'm all colored blue. I picked a rose when it came walking by, but when I held it and looked closer, I saw the rose cry. But don't be alarmed if my mind don't seem sound. Now she's gone, she's gone. My whole world is upside down. Tenderly I reach to touch a tiny blade of grass that tickles my chin. Then I lay back and try to figure who I am and where I'm going and where I've been. And then I talk to the grass and it tells me who I am and where I've been and my destiny. But no one believes me, talking to the grass. I reach my hand to touch the warm and shining face of the summer sun. Then like a happy child I laugh with the grass, and then I skip and run. And then I talk to the grass, and it tells me who I am and where I've been and my destiny. But no one believes me, talking to the grass. I grab the wind and hold it tight as it blows out across the grassy meadow. Then I embrace the fleecy clouds, and in my mind I'm flying high. It doesn't matter. And then I talk to the grass, and it tells me who I am and where I've been and my destiny. But no one believes me. Talking to the grass. The sun is gone, now that gentle wind blows a little stronger. And a whitening covers up the grass and it dies, and I feel so much older. But once I talked to the grass, and it told me who I was and where I've been and my destiny. But no one believed me. Talking to the grass. But once I talked to the grass, and it told me who I was and where I've been and my destiny. I went down to the river of no return. I see her face again. I see her smile, I hear her voice so clear, saying, please, go with me, dear. My baby up and left me just the other night. Far too little to kiss her, one to one, to hold her tight. She ran away to St. Louis, but she misses me today. I got a letter from my dear, says I'm coming home to stay. But they found my baby by the railroad track. A picture of me clutched in her hand, held to her lips so tight. My baby's gone forever, and I just don't see how I'm going to keep living. So I'm going to kill me. Now I'm back here at the river of no return. I see her face again. I see her smile, I hear her voice so clear, saying, please go with me, dear, down the river of no return. Well, I'm coming, dear, down the river of no return. Dark angel, I know you've come for me. I know you've come to claim my soul for all eternity. I just had a vision deep down in my mind, as I felt that bullet hit my head, but I need just a little more time. Dark angel, I need a little more time. For I am still a young man, restless as I can be. I've still got so much to learn, so much to do and see. A woman made a fool of me, but I still love her so. She drove me to this suicide, but I'm just not ready to go. I'm just not ready to go. I'm just not ready to go. Dark angel, I know you've come for me. I know you've come to assist my change in personality. My breath is getting shorter now, and day has turned to night. But I'm not ready to leave this world, so please don't take my life. Dark angel, please don't take my life. My mind's been so tormented, she treated me so cold. I wanted to possess that woman, heart, body, and soul. When I saw her with another man, she made me break down and cry. In a jealous rage, I pull that trigger, but I really don't want to die. I really don't want to die. I really don't want to die. Archangel, archangel, I know you've come for me. I can see you standing at the gates of all infinity. But what's this? I'm regaining consciousness. I'm in a hospital, and they tell me that it's not the end. Dark angel, I want to thank you, and I'll never shoot myself again. Searching for a place to call my home. I love you, baby, and I always will, but I've got to know what's over that hill. I brought you grief and I've called you shame. You should have never let me change your name. Searching, I'm always looking, searching for a place to call my home. Now I keep thinking just one more trail, there's paradise just over the hill. But a rolling stone don't gather no moss. To find peace of mind, we pay an awful cost. Searching, I'm always looking, searching for a place to call my home. Love me, don't want me to go, cause winter is coming and there'll be snow. But turn me loose just one more time, maybe then I'll find my peace of mind. Searching, I'm always looking, searching for a place to call my home. I've got one thing to tell my mommy. I want you to do. devil get away from me. Devil get away from me. Take away your shroud and your big black cloud. Devil get away from me. Stifle me down in a sea of flames. And he laughed real loud to me. Said you lied with skill and never paid a bill. In the hell you gonna pay him off of me. Devil get away from me. Devil get away from me. Take away your shroud and your big black cloud. Devil get away from me. We sat in his parlor. It was hotter than hot. And he threw another soul in the fire. People living in sin, dying to get in where their soul will burn eternally. Devil get away from me. Devil get away from me. Take away your shroud and your big black cloud. Devil get away from me. I screamed and yelled and tried to pull away to the Lord above. I screamed a prayer. This time I'll let you go, next time you'll really know. And I woke up ringing wet in bed. Now the devil went away from me. The devil went away from me. Took away his shroud and his big black cloud. And the devil went away from me. I'm here to tell that the dream of hell will make a good man out of me. Les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Oui, alors il y en a qui ont peut-être pas reconnu l'émission tout de suite comme ça, parce que Jean-Philippe a beaucoup changé pendant le temps des fêtes. Donc, on écoutait du country un peu dépressif pour certains. Mais pas, ça commençait pas comme ça. Ça commençait par I Died Today de 1970. C'est Rod Keith qui, sur une compilation qui s'appelle I Died Today, The Music of Rod Keith. Rod Keith, en fait, c'est un type qui faisait ce qu'on appelle du song poem. En fait, il travaillait pour une compagnie qui incitait les gens, en leur promettant de devenir très riches, à envoyer des paroles de chansons, les enregistrait, il leur envoyait des disques moyennant rétribution, et tout le monde se faisait avoir, finalement, sauf ceux qui avaient la compagnie, et Rodney Keith Eskelin, qui jouait un peu sous le nom de Rod Rogers aussi. Puis finalement, ça a été comme redécouvert, à un moment donné, notamment par... John Zorn lui-même. Alors c'est une personne qui se dit hey, mais c'est un genre de génie musical, notre ami Rod Keith, et c'est pas mal vrai. Dwayne D nous faisait When the Devil Rides the Wind sur une compilation qui s'appelle Hillbillies in Hell The Resurrection. Puis Dwayne, c'est un chanteur qui était dans qui participait beaucoup au Grand Ole Opry, une espèce de festival, en fait un genre de festival mais hebdomadaire qui a lieu à Nashville au Tennessee. Puis lui-même venait du Wisconsin à Milwaukee, la ville des brasseurs. À une certaine époque, ça sentait la levure là-bas. My World is Upside Down, c'est Ray Sanders. C'est une compilation qui porte un très joli nom, The Beginning of the End, The Existential Psychodrama in Country Music. Des trucs de 56 à 72. Puis Ray Sanders était pas le plus dépressif, lui qui est né à St. John's au Kentucky. Puis qui est encore vivant d'ailleurs, il a seulement 83 ans, ce qui est pas si vieux. Notre ami, il faisait il avait fait beer drinking music. Oui, ce qui est quand même pas fou, ça peut se vendre ça. La bière, ça peut inciter à écouter de la musique. J'ai déjà vu ça quelque part. Talking to the Grass, c'était Curly Putman qui est toujours sur la même compilation qui porte le si joli titre que je vais vous le répéter, The Beginning of the End, The Existential Psychodrama in Country Music. Il faut aller voir ça. Curly Putman, où es-tu? En fait, c'est ça, Claude Putman Jr. Dit aussi Curly Putman. Auteur-compositeur qui est né où? Qui venait de où? De Princeton. De Princeton, puis qui est mort à Lebanon aussi. Ils ont des beaux noms de villes aux États-Unis. Alors on peut se promener avec comme ça aux États-Unis, puis se promener de Athènes, puis aller. Il doit y avoir quelques Roms un peu partout. Comme ça. Puis il habitait une ferme à Nashville, qui a inspiré la chanson Junior's Farm de Paul McCartney and the Wings, parce qu'il est allé faire un tour là, pendant l'été 74. C'est ça. Puis il y a eu quelques succès, entre autres des pièces reprises par entre autres Tom Jones, Johnny Cash ou Jerry Lee Lewis, entre autres. Ensuite, Wayne Cochran faisait No Return sur Hillbillies in Hell. Wayne Cochran, oui, il faut que vous alliez voir comme ses perruques, parce que Wayne Cochran, c'était un type qui portait des perruques à la Pompadour un peu, puis on l'appelait The White Knight of Soul. Puis c'est lui qui a écrit Last Kiss, une chanson des CC Riders. Est-ce que tu connais les CC Riders, Jean-Philippe? Jean-Philippe les connaît, les CC Riders. Puis c'est un type qui vient de Georgie. Il y avait du country dans ce coin-là, en Georgie. Oui, n'en doutez pas. Puis il est mort à Miramar, en Floride. Et qu'est-ce qu'on a eu? Ah, Benny Joy. Benny Joy, là, on change de compilation. Il nous faisait Dark Angel. Benny Joy, il nous faisait... Ça, c'est tiré de Country Music's Tormented Testament. Puis Benny Joy, ben, il s'appelait Benjamin Edson, en fait. Puis c'était vraiment un type que je faisais plutôt dans le rockabilly. Puis évidemment, ben, le rockabilly découle un petit peu du country. Et qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Whitey Gallagher. Là, il n'y en a pas d'informations, mais il nous faisait Searching, I'm Always Looking. Puis, Put My Guitar Away, Bobby. Ça, c'est Hazel Atkins, dont on vous a parlé souvent. Ce Achy Breaky Ha Ha Ha de 1994. Hazel Atkins, c'est un personnage très intéressant. Allez voir ça. Puis on terminait avec Roy and Georgia and the Soul and Souls sur Hillbilly in Hell, The Rapture de 2018. Puis la chanson, c'était Devil Get Away From Me. Et c'est un groupe religieux dans lequel il y a l'air d'y avoir, il y a de la guitare croche, puis quelque chose qui ressemble à un beatbox. C'est ça, mais ça peut pas être un beatbox. C'est ça, Jean-Philippe me dit oui. Jean-Philippe me dit, si Jean-Philippe dit que ça peut être un beatbox, ben ça peut être un beatbox. Puis après ça, on va aller dans toutes sortes d'affaires du rap, funk, etc. Même presque disco. And drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. A jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome.

we are the best. Best in the east and the best in the west. Right. Best in any rubber duck contest. It's a rocker and the killer. Murder! Dilla, dilla, dilla, dilla. One man. We super duper. Pump me rock up America. Oh yes, yes, it's a rocker and the best. Oh yes, yes, say it rougher than the rest. Oh yes, yes, we have a drop it from your chest. Oh yes, yes, and we really not just. Federation style. Man. bass. Vision, dreams of passion flowing through my mind. And all the while I think of you. A very strange reaction. The more I see, the more I do. Something like a phenomenon. Baby, telling your body to come along. But white lights blow away. Blow! Rocket! Blow! Ticket to ride. Line highway, tell all your friends they can go my way. Pay your toll, sell your soul, pound for pound, cost more than gold. The longer you stay, the more you pay. My white lines go a long way, either up your nose or through your vein, with nothing to gain except killing your brain. His fault, so don't do it. Just to commit more crime. A businessman is caught with 24 kilos. He's out on bail and out of jail, and that's the way it goes. K, sugar, K. Athletes rejected, governors corrected. Gangsters, thugs, and smugglers are thoroughly respected. The money gets divided, the women get excited. Now I'm broke and it's no joke. It's hard as hell to fight it. Don't buy it. Freeze. Rock. Freeze. Rock. Freeze. Rock. Freeze. Rock. Freeze. Rock. Freeze. J'ai le plaisir de vous annoncer que Benoît Arcand est là. Donc, il va faire Terre et Vague tout de suite après nous. Oui, il a l'air parfaitement en forme. Ah oui, il danse. Voilà, signe de forme parfaite. Qu'est-ce qu'on a eu de notre dernier bloc? Yandere and the Blockheads nous faisait Sex and Drugs and Rock and Roll sur un album qui s'appelle, comment? En fait, un 45 tours qui s'appelle Sex and Drugs and Rock and Roll. Un classique. Yandere, j'ai appris quelque chose. C'est le père du musicien et chanteur Baxter Dury, que je ne connais pas non plus. Voilà, alors j'ai appris ça. Il est décédé à 57 ans à Upminster à Londres, puis il venait de Harrow, dans le Middlesex en Angleterre. Comment s'appelait son premier groupe? Kilburn and the High Roads. Puis ensuite, il a fondé les Blockheads. Comment c'est ça? Puis il est mort en 2000. Voilà pour monsieur Yandere. Qu'est-ce qu'on a eu après? Ah, Captain Sensible. Je me faisais What? Sur Woman and Captain First de 1982. Capitaine Sensible de son vrai nom, Raymond Iron Burns, qui est né en 1954. Puis il a décidé de s'appeler Capitaine Sensible. Puis on a écouté ça beaucoup à une certaine époque quand même. Puis il nous faisait beaucoup rire. Il n'y avait pas tant de super tunes, mais ça on aimait ça. On réécoutait la chose en dansant, puis ça nous rendait heureux. Puis il est toujours actif depuis 1976, et c'est un type qui vient de Balham, à Londres. Aussi, puis qu'est-ce qui... Il venait de la Stanley... Non, c'est ça, Stanley Technical School for Boys. Ils ont des beaux noms d'école en Angleterre, comme ça. Et ensuite, on est passé à quoi? Ah oui, Go Deyaka. Ça veut dire Go to the Top. C'était le groupe Moniaka sur l'album qui porte le même nom, Go Deyaka, de 1983. Et Moniaka, c'est un groupe de reggae de Brooklyn à New York. Puis ils ont été surtout actifs dans les dans les années 80 et au début des années 90, mais on dit qu'ils sont encore actifs. Est-ce que la chose est vraie? En fait, celui qui a fondé ça, c'est Earl Moore, qui avait fondé ça sous le nom de Earl Moore and the Soul Supersonics. Puis les membres au départ venaient de Jamaïque, d'où cette influence reggae. Voilà. Ensuite, les Beastie Boys qui nous faisaient Beastie Revolution sur Cookie Puss de 1983. Il y aurait plein de choses à dire sur les Beastie Boys, même trop à dire pour le cadre de notre émission. Alors, je pense que je dirai rien, sauf pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes pièces des Beastie Boys qu'on en met une fois de temps en temps, comme ça. C'est ça, au début, ils étaient plus punk, hardcore, puis ils sont virés... Oui, c'est ça, Jean-Philippe me dit, c'est le disque du changement. Ensuite, on est passé à Grandmaster et Melly Mel, qui nous faisait White Lines, Don't Do It, sur l'album White Lines, Don't Do It, qui était quoi? C'était un EP? C'est ça, un 12 pouces, c'est écrit 12 pouces comme ça, mais c'est ça, un 12 pouces, voilà, là, autre chose. Puis, Melvin Glover a été le premier à s'auto-proclamer MC aussi. Il y avait son frère qui jouait aussi dans le groupe, et un des deux autres membres du groupe, Cowboy, qui est Kate Wiggins, a inventé le terme hip-hop. Puis ils sont considérés comme ayant fait la première chanson de rap conscient, conscient rap, donc rap plus politique et qui parle de phénomènes de société. Alors ça a été leur force aussi, ont atteint vraiment des sommets avec leur chanson. Puis il nous reste tout simplement Caroline Leb qui nous faisait narcissique sur l'album Piranana de 1983. Elle, c'est une femme qui a fait beaucoup de choses aussi, à part être née à Neuilly-sur-Seine, qui est une des communes les plus riches de France. Elle a fait de la chanson, du cinéma, de la mise en scène de théâtre, toutes sortes de choses dans une famille qui s'intéresse aux arts de façon totale. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire tout simplement à la semaine prochaine.